I'm walking severance so much to stay. I'm too late on my end. I'm too new on my end. Want is to give up the light to supreme. I'm marking some proton to break some degree. A little by a little by. That's too on avait un super bassiste, c'était Phil à la guitare, il s'appelle Sun4A. Big up pour Sun4A. Et nous avons aussi Mr. Pell. Merci. Non mais c'est pas mal ce morceau. Moi je sais pas s'écouter. Ouais mais j'ai mal à la gorge. À force de chanter pas correctement avec les bonnes. C'est bon la batterie là. Allez, je vous suis, vous m'en faites un match. Ouais. Ça, il y a de la wah-wah, non? Yay! Allez, j'en ai un comme ça. Je sais pas combien on peut pouvoir y synchroniser sur Reaper, alors. Si je comprends bien, tu mets là ton logiciel sur Reaper et ça se synchronise avec... Moi j'ai EZ Drummer. Je sais pas si tu connais EZ Drummer, je crois. Il a un bon son, hein. Ah, super Fire Drummer. Bon, moi, on me l'a donné, enfin... Je m'en sers pas dans un usage commercial. Sinon, j'ai une V-drum, mais je suis tellement nul à la batterie que je préfère utiliser le Z-drummer, qui joue beaucoup mieux que moi. Allez, San, come on! Et il joue bien, hein. Sam, tu es français? Ça, c'est bien ce qu'il fait là. West of my today, I will soon get on my life is today. What's in the light? What's in the fire? No way, not to say. What's in the time? Welcome to my to say. What's to say? Ok. And as you might say, what's in my land is only for him. I'm the waiting side. What's in to fade? Why was the dragon of my fight? Say, I will start to my cancer fry. My answer today, my what you wanna say. I feel my wanna say to my. Elle est bien la montée là. La montée là-bas, super. On dirait du muscle. Faut le garder ça. La refera la montée, elle est bien. I was in the fryer's today. I burned your mama's say. I was in the fry. I burned your mama's say. I was in one mama's today. I've been walking to my dream. Life is too much to wake up my brothers and say, Lord, you are. And travel to lack and to lie, and let bring to love and to wine. I went to dry up the mountains, who's gathered to one. Love to the same, love to the same. Eh, super, super, ta truc. Ton morceau bien. La montée est super bien trouvée. Ça fait un bon refrain. Sauf que je suis en drame. Bravo! I tell me where I can survive. And I want some more to say. And I want to love to my fry. And I want to some devil wine. Life is a water, more like it's a well, it's a mile too late. Moi j'arrive pas à faire du linéaire comme ça à la basse. Essaye de me le refaire. Les guitaristes ils t'attendent. One, two, three, four, one, two, say on to fire. Allow us to get on wide. I love you so much as to say. Allow us to know the why. I want you one more to live, I want you to let you know why. Allow us to one more to work. Adrenaline. I can smile once a day. I want to say, I will say I'm fine. I will suffer. I will satisfy. What you know? Ok. Génial en tout cas ton morceau là, putain. Et le récupérer sur le pétrole. Ah oui. Ben bon apéro, Phil. J'espère rejouer avec toi. Ils sont bons les guitaros. Ils sont bons là. Mais on le récupère sur le lecteur, le player. Je récupérerai juste la partie où je fais la basse avec le petit refrain. Je sais, ouais, mais je vais prendre ma basse. Once in my life, what is afraid? My boss will die. Allez, attention, il est trop de rapide batterie. Wow! Yes! Yes, man! Et n'oublie rien pour l'apéro. Hein. Les cahuètes. Ciao, ciao! Ils sont à fond. Bien les gratteux. Thank you. Thank you. avec Z Drummer. Ah, mais je le connais. Tu sais quoi? Il m'a filé son médiateur en main propre. Avec Z Drummer supérieur, tout à coup. En fait, je connais toutes les stars. Yeah. Quand je suis allé voir Satriani, comme il balançait les putains de médiateurs. Il balançait les médiateurs dans la foule et j'arrivais pas à en attraper un. Il est venu vers moi et m'a dit, allez, tiens, je te le donne. Putain, t'as de la chance, toi. Quoi? Bon. Il est où le batteur de Satriani? C'est ce que tu dis? Est-ce que j'arrive à chanter? J'ai pas de pied, putain. Et, ouais. Et demain, je suis invitée par Bertignac, nananer. Et je vais voir Johnny, nananer. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que t'as pas? T'as pas de pied, pourquoi faire les pieds? Et t'as j'ai vu Johnny une fois dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? T'es obligé de me crier dans les oreilles. Bon, on va faire les portes du pénitencier. Homer, ouais, écoutez-moi bien. Oh, que sauf que moi, je vais le voir directement dans les loges de ma mère.